Gérard, si on commence le deuxième débat. Ouais, on va commencer donc. Ouais, sérieux, Gérard, sérieux, là, on bosse. Sérieux. Allez, le débat est fini, Gérard, on reprend l'antenne. Allez, Fulgard, tu dis à l'alligator qui se recule. Et comment veux-tu, il après il faudrait qu'il coupe. Non, mais il recule. Voilà, merci. Donc, on va accueillir Mélissa. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Rita. Bonsoir, mon petit chou à la crème. Bonsoir, mon amour. Émilie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Anne. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, Claude. Allô. Il y a des fans à poil, plein de fans à poil. Non, là, quand on dit bonsoir, tu réponds bonsoir et tu réponds pas des conneries parce que sinon tu vas me virer. Ok, bonsoir, Gérard. Ok. Nicolas, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Ça change de te voir sourire comme ça. Moi, ça me rend malade. Ouais, bah, c'est bien. Ok. Donc, moi, j'aime pas te voir heureux, hein, c'est terrible. Comme je suis pas habitué. Ça fait mal. Ouais, moi, je suis malheureux, tout ça, puis voilà. Allez, écoute. Gérard, mais je t'écoute pas. Allez, Ouais. Alors, le débat, c'est sur quoi, Gérard? Sur la virginité, donc d'accord. Le premier qui dit un mot de travers va dégager. Je vais pas chercher qui c'est. Hein. Et la première question, c'est... Alors, est-ce qu'une fille perd sa virginité avant le mariage? Alors, Mélissa. C'est possible. Non, attends. Mélissa, 5 minutes, excuse-moi. Merci. Excuse-moi. Nicolas. Oui. Bah oui, il y a certaines filles qui perdent leur virginité avant le mariage, parce qu'elles considèrent que, parfois... franchir ce palier du mariage pour perdre sa virginité, alors que l'amour peut être présent avant le mariage. Mm-hmm. C'est beau. C'est pas ce que tu dis. Ouais, c'est magnifique. J'ai pas l'habitude, hein, mais bon. Elles sont belles, c'est vrai. Mm-hmm. Ok. Claude. Ouais, c'est vrai, ça dépend de la religion, en fait, surtout. Non, mais attends, on parle pas de religion, mais d'accord, non, s'il te plaît. Arrête de t'énerver pour rien, je dis que... Non, mais on parle pas... Mais écoute-le. Écoute-moi, t'as certaines religions où tu dois pas faire l'amour avant... Ouais, mais ça, c'est pas le thème du débat, d'accord? D'accord, mais... Bon, ok, je vois qu'on peut pas parler avec toi. Allez, vas-y, accouche. Fais péter les autres, là. Bon, alors, dans ce cas-là, bonne nuit, Claude. Bon, ça vaudra mieux. Tu veux avoir Manu, il va t'expliquer comment que ça se passe, le thème des débats. Exactement. Ok. Voilà. Anne? Oui. Donc, pour toi? Oui. Bah, je trouve que c'est... Enfin, bon... écoute, la virginité, tu peux la perdre avant le mariage, ça c'est une question de choix. Hein. Mm-hmm. Y en a qui préfèrent rester vierge pour le mariage, pour leur première, pour leur mari, quoi. Mm-hmm. Moi, je trouve que c'est quand même un sacré preuve d'amour, mais bon, moi spécialement, c'est pas mon truc, quoi. Voilà. Est-ce que tu l'as perdu, toi, déjà, ta virginité? Oui. Y a combien de temps, à peu près? Ça fait bien 5 ans maintenant. Ouais, ok. Ça ok. Ah, c'est là, curieux. Non, c'est pour moi qui pose ces questions-là, t'inquiète pas. J'irai pas savoir comment, où, ça me regarde pas. De toute manière, tu fais ce que tu veux, c'est ton corps, et point final à la ligne. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps, sauf si y en a qui s'amusent à aller trop loin avec moi. C'est vrai. Ok. Claude, Nicolas, si t'es au courant de certains trucs, je préfère t'avertir tout de suite que si je t'en donne un mot, alors tu vois, tout le monde a répondu là? Non, tout le monde n'a pas répondu. Donc, Émilie? Oui. Donc, pour toi? En fait, ça dépend si tu pratiques. Attends, Émilie, on a peut-être quelqu'un à la place de Claude? Non, du tout. Non, je t'ai calmé, Claude, c'est tout. C'est bon, je t'ai calmé. J'ai bien expliqué. Donc, Émilie? Donc pourquoi? En fait, ça dépend si tu pratiques ta religion ou pas, mais quelle que soit ta religion, c'est surtout... Ouais, mais attends, Émilie. Oui. Émilie, je viens de dire à Claude tout à l'heure. Oui, non, mais c'est pas... Tu es retourné au standard, justement, pour savoir comment que ça se passait les débats. Ouais, 2 secondes. Voilà, ça y est, il a compris. Je ne parle pas de religion, je te dis, si tu pratiques... Ouais, il était temps, hein. Quelle qu'elle soit. Mm-hmm. Dans notre religion, le catholicisme, on est aussi censé être vierge au mariage. Mm-hmm. D'accord. Mélissa veut répondre. Rita? Oui, mon petit Père Noël. Ouais, c'est bien. Donc, il y a une question Minitel. Oui, mais après, j'adore. Vas-y, fais la question Minitel. Rita, comme ça, elle a le temps de réfléchir. C'est pas très content, mais bon, enfin, d'accord. Bon, c'est pas de ma faute, c'est les questions Minitel. Non, mais je m'en fous, de toute manière... Greg, à Paris, donc il y a 22 ans, il a même laissé son numéro de téléphone, d'ailleurs, si tu veux l'appeler. Ouais, si c'est des points numéros comme la semaine dernière. Gérard, est-ce que c'est vrai que Christine a perdu sa virginité quand tu l'as mis à coton-tige dans son vagin? Bon, alors là, je réponds même pas. Donc, c'est un idiot, un imbécile, là. Voilà, ça fait comme toi, hein, c'est bon, comme ça fait 2 imbéciles ensemble. Moi, j'ai voulu te défendre, et toi, tu m'insultes. C'est bon. Rita, pour répondre à ton Père Noël, là, comme tu viens de dire. Oui, mon petit Père Noël, moi je disais donc, en fait, ça dépend de chaque fille, hein. Donc, c'est un choix à faire, hein, donc... Ouais, mais tout à l'heure, je t'entendais dire, là, sur les ronflements, apparemment, oui. Que t'avais... Non, oui, c'est... oui, mais c'est rare, on peut bien dormir avec quelqu'un sans que rien ne se passe, hein. Ouais, mais apparemment... C'est vierge, Rita. Ouais. Bah attends, attends, c'est Mélissa non, qui non, parle. Non, réponds qu'à Gérard. Ah bon, alors... Bon, alors, Mélissa... Oui, bah, écoute, moi je voudrais passer un petit... Attends, Mélissa, mais attendez, s'il vous plaît. Vous n'avez pas commencé le deuxième débat, hein? Je préviens, celui qui s'amuse à ronfler va passer au son d'armée directement. Là, je demande à Manu et à... Ringo Starr. À Ringo Starr d'essayer de me calmer. Celui qui ronfle, vous me le virez. C'est Rita. Non, c'est pas Rita. Je crois que c'est Ringo. Je crois que c'est Paul McCartney, moi. Ouais, ben, je pense que tout à l'heure, ça va pas. Non, non, oh, ça commence pas comme ça. Bon, Manu, s'il te plaît, tu me prends les Claude et Nicolas, s'il te plaît, merci. Bon, Gérard, dans le cul. Manu, c'est ça. Qui c'est qui s'amuse, là? Il n'y a plus personne au standard. Bon, ben, ah, qu'on... Non, mais c'est bon. Je continue pas le débat. Carole? Ah, mais je continue pas le débat comme ça. C'est normal. Ah non, mais... Ça y est, comme par hasard, ça s'arrête. Quand tu dis t'arrêtes le débat, tout de suite, ça se calme. Hein. Comme par hasard. Comme par hasard. Ah, Mélissa. Ouais, elle est belle, la France. Donc, Mélissa. Oui. Tu voulais répondre? Écoute, oui, bien sûr qu'il y a des filles qui perdent leur virginité avant le mariage. Et je voudrais passer un petit coup de gueule parce qu'elles les perdent n'importe où. Mm-hmm. Elles ne pensent même pas aller aux objets trouvés, donc c'est ridicule. Ouais, mais c'est-à-dire comment ça? Bah, attends, parce là, que je ne suis pas... Ils font pas attention, tu vois, elles laissent traîner leur virginité comme ça et forcément après elles la perdent, quoi. Ouais, mais dans ces cas-là, bon, ben, je vois à peu près où tu veux en venir. Oui, ben, j'espère. Donc, à mon avis, ce que tu veux dire, c'est que, bon, ben, apparemment, je pense que Rita, même Émilie et Anne vont être d'accord avec moi. Oui. Je pense qu'à mon avis, j'espère, je dis bien j'espère et je pense, c'est qu'à mon avis, bon, ben, si celle qui a envie de perdre sa virginité avec n'importe qui, c'est son problème. Si elle se protège pas, c'est ça que tu voulais dire en deux mots. Hein? Ouh, Mélissa. Oui, oui, oui, tu m'as bien compris, c'est ça. Donc c'est bien ce que je voulais dire, oui, c'est ça. Ah, ok, oui. D'accord. Si elle se protège, est-ce qu'elle garde sa virginité? De toute manière, j'ai toujours dit protégez-vous et c'est protégez-vous. Tout. Protégez-vous. Ah, d'accord. Attends, je parle français quand même encore. Ouais, ça, ouais. Plus aux nanas qu'aux mecs. Parce que les nanas. Non, mais attendez. Oh, les deux mecs, ça prend un sens, s'il vous plaît, vous me laissez finir. Oui, d'accord. Donc ça s'adresse plus aux nanas qu'à nous, parce qu'en en fin de compte, celles qui souffrent le plus, c'est les nanas. Oui, c'est-à-dire. C'est vous qui souffrez le plus. En quoi? Parce qu'il y en a certaines, et je peux. Malheureusement, c'est pas. Tu me diras, on est sur la virginité, donc c'est le deuxième débat sur la virginité que je fais en espace d'un an, en espace de deux ans. Mais moi, je vais vous dire une chose, avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que... Il vaut mieux s'abstenir, c'est ça? Il y a certaines nanas qui sont violées malheureusement par n'importe qui. Pour quelque chose. Ça n'a pas vraiment de... Non, on va peut-être arrêter le sujet. Non, mais Mélissa, ça revient pareil avec la virginité. Tu casses un peu l'ambiance, là, quand non, même. Non, hein. Bon. Alors, est-ce que... Olivier Ouh là là, c'est parti ou quoi? Est-ce que perdre sa virginité fait mal? Donc, Nicolas, ben, je pense pas parce que. Bah non, moi ça me fait pas trop mal, non. Non, ben, j'ai pas perdu mon hymen, c'est du gland, non. Ouais, ok. Eh, c'est René, ça, je l'ai reconnu, hein. Non, pas du tout. Non, mais c'est un habituel, t'inquiète pas, Max. Bah, c'est pas grave. Merci, c'est Fildar, c'est pas grave. Ouais, ben, Fildar, t'inquiète pas, ça. De toute façon, il reconnaît les voix, c'est oublié. Eh, putain, mais vous arrêtez le ballon. Oh là là! Je sens que l'alligator, tu vas te prendre mon poing ou que je pense tout à l'heure. Dans le cul. Tu vas te prendre mon poing quelque part si tu continues à me balancer des trucs dans la gueule. Tu vas être un très sympa pour le Jésus. Donc, fais gaffe, Olivier, parce que tu risques de te prendre encore l'os. De te prendre dans l'os, on dit. Bon, d'accord. Tu voudrais répondre à la question? Ouais, ben vas-y. Nicolas, j'ai 38 ans, je suis encore vierge. Qu'est-ce que tu sois, abruti? C'est pas rigolo ou Oui, bah oui, bah oui. Oui, bah oui, bah ça arrive. Hein. Ça arrive, bah, c'est pas ma faute. Bon, j'ai jamais connu la mort. Ça met un poil sur un cernet. Donc, j'aimerais m'adresser... Dehors pour celui qui vient de dire ça. Ah, je sais pas c'est qui. Non, mais tant pis... J'aimerais m'adresser aux filles. C'est pas moi. Donc, il paraît qu'elles aiment beaucoup les beaux culs. Donc, moi, j'ai un beau cul. Oui. Donc, je comprends pas pourquoi je suis vierge. Bon, c'est vrai que j'ai un pied beau, un œil crevé et manque une couche. Mais je pense pas que ça pose problème. Donc, est-ce que c'est possible de se faire des pucelets ce soir? Bon, ça, tu dois. Bon, Claude? Ouais, moi, je pense que. Voilà, pour les mecs, ça fait pas trop mal. D'accord, ça te fait rire, ça? Non, ça me fait. Mais Gérard, ça me fait pas rire. Entre mecs. Mais non, entre hommes, franchement, ça fait pas mal pour les hommes, c'est tout. Ouais, c'est ça. Ok. Oh, allez, c'est bon, Claude. Anne. Okay. Anne. Oui. Oui, Gérard. Non, mais ils vont se réveiller parce que je vais mettre. Oui, Anne. Oui, je suis là, Gérard. Bon, allez, tu me sors celui qui va sur Internet. Papa Ringo. Mais non. Allez, oh. Il passe des coups de fil personnels, Ringo. C'est faux. Si. Ouais, c'est faux. Il appelle tous ses copines, Ringo, là. Arrêtez de montrer du doigt, ça se fait pas. C'est lui. Je travaille. Non, menteur. Ah, Gérard, je travaille. Je te cherche des. Nul, là. Oh, c'est nul. Il essaye d'avoir un edge au téléphone, Ringo. Olivier, s'il te plaît. Bon, Max. Lâche-toi bien, qu'est-ce qu'elle m'attend. J'ai rien fait. Ta voix est moins foncée. Continue, Gérard. Ça va, s'il te plaît. Ah, continue. Du son. Gérard, tu as parlé avec toute la nuit. Bon. Allez, hop. Qu'est-ce qui se passe, Gérard? Oui, quand t'as fini tes conneries. Allez, hop. Au standard. Allez, bon standard. Bonjour. Au standard. Ça marche, là, je crois. Alors, Anne. Ah, bah tiens. Ouais, parce que t'appuies sur les boutons, d'accord? Ouais, tiens. Comme ça. Tu peux y aller? Oui, vas-y, Anne, je t'écoute. Bon. Donc, je disais que, bah, écoute, moi, j'ai eu la chance, personnellement, j'ai pas eu du tout mal. J'ai rien senti du tout, et donc, voilà. Ouais, mais attends, tu dis que ça t'a pas fait du tout mal et t'as rien senti, c'est ça? Non, mais au niveau douleur, c'était pas désagréable, mais au niveau... Non. D'accord. Voilà. Bon, calme. Ok, Émilie? Bah, moi, pareil. Hein. Pareil? J'ai rien senti, ça m'a fait ni du bien ni du mal. Voilà. D'accord. Rita? Mon petit Mickey, moi, je suis vierge. Ok. Ouais, tout à l'heure, t'as dit que tu voulais rien me dire, sauf à moi. Ah, ça va, justement, tu poses la question, donc je te dis, je suis vierge, et donc je te répondrai dans 10 ans, je te dirai qu'est-ce qui t'est arrivé. Hein? Dans combien de temps? Dans 10 ans. Dans 10 ans? Ouais. Mais attends, d'ici 10 ans, je serai loin, moi. Non, Gérard. Tu seras où? Mais tu seras peut-être avec elle, Gérard. Ça sera Europe 1. Voilà. Non, attends, déjà... Oh, allô. Tu seras sur Nostalgie dans 10 ans? Non, je serai peut-être dans les bras de Murphy. Dans les bras de Murphy, parce que... je voudrais bien savoir, là, monsieur l'alligator, si on pouvait aller me chercher ma petite colombe qui me fasse un massage. Parce qu'elle m'avait promis un massage et je commence à avoir mal. Elle est occupée. Non, elle est occupée, tu vois, mais c'est bizarre, elle peut pas me masser et te masser en même temps. T'as ta bouche à toi. Mélissa. Un massage pour ton sphincter, là. Bon, attends, toi, tu te tais, s'il te plaît. Mélissa, s'il te plaît. Oui, bah écoute, moi, la première fois, ça m'a fait quand même un tout petit peu mal, mais c'était très supportable, mais c'était surtout très sanglant. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que ça saigne. Mm-hmm. Donc, quand ça saigne, bah, c'est pas très agréable. Ouais, mais ça, bon, ben, à peu près, si tu veux, c'est comme si que. Quand vous avez. Vos ragnagnas, vos règles. T'as déjà dépucelé une fille, Gérard? Non. Christine, elle était pas bien? Merci, je te répondrai pas. C'est la question sur les Non, mais question minidale, tu vois, je répondrai pas sur une question comme ça. Et ça vous dirait de dépuceler une fille? Bah, pourquoi pas? Parce que sur Minitel, il y a marqué que t'aurais dépucelé une fille sous ton allemand. Bon, tu vois, c'est même pas la peine d'essayer. Tu vois, des questions. Non. Bon, attends, tu confirmes? Alors, Nicolas, comme tu confirmes... C'est pas Nicolas. Ben, c'est Claude. C'est pas Claude. C'est qui? C'est un mec qui passe sur tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est Dieu. Ouais, c'est ça, c'est Dieu. Et tu prendrais pas ma bite pour... tu prendrais pas mon cul pour une tasse à café s'il y avait un anse. Ouais. Ok, donc je commence. Je préfère prévenir Claude et Nicolas. Commencez pas à m'énerver comme ça, parce que sinon, vous allez virer avant 4h du... Avant... Je sens que tout à l'heure, il y en a qui vont se prendre des os dans la tête. Bah, fait plaisir. Alors, être vierge, est-ce vraiment une preuve d'amour? Alors, Mélissa. que être vierge c'est une preuve d'amour? Ouais. Ben, je pense que oui, parce que pour moi, la virginité, c'est une colombe en plein vol, c'est une robe de mariée flottant dans le vent, c'est un peu de ton parfum sur un t-shirt de Ricky Martin. En bref, c'est une preuve d'amour. Ouais, ok. Attends, c'est une allumeuse qui m'a fait craquer des thunes en pensant que j'allais la baiser, mais en fait, je l'ai pas baisé. Quoi. Hey, Olivier, fais gaffe parce que tu vas te prendre l'os dans la transe si tu continues là. Gérard. Toi, tu dégages. Claude, vas-y. Non, pour l'instant, je me suis pas adressé au mec. Rita. Oui, Vera. Ah, ça y est, l'autre tout à l'heure, c'était mon Père Noël, je sais plus quoi. Gérard, je peux répondre? Bah oui, mais tout à l'heure, c'était mon Père Noël et puis tout ça, bon, ouais, vas-y, réponds. J'ai pas fini de parler, Gérard. Vas-y. Je vais te dire, Gérard, mon petit lapin en sucre. Vas-y. Donc, moi, je fais partie de la vieille école, hein. Donc, j'ai des principes, hein. Donc, c'est-à-dire que, comment dire, je sais pas comment t'expliquer, Gérard. Ouais. Là, tu me troubles, Gérard, tu me troubles. Ah, d'accord. Bon, c'est pas grave. Non, mais je réponds, hein. Non, mais réfléchis. Preuve d'amour, Gérard. Non, mais, Rita, oui. Tu réfléchis, je vais... Non, mais c'est bon, je sais quoi dire. Bon, alors, vas-y. Donc, je pense qu'en fait, être vierge, oui, c'est une preuve d'amour. Hein. Mm-hmm. Donc, c'est une grande preuve d'amour. Et les mecs adorent les petites vierges, donc... Voilà. La preuve, quoi. Ah bon? Mm-hmm. Faudra poser la question au mec, alors. Tu peux poser la question au mec, Gérard? Oui, mais attends, pour l'instant, je vais finir avec Emily. Oui, d'accord. Alors moi, c'est pas une preuve d'amour. C'est quoi ça, Gérard? C'est pas une preuve d'amour. Parce que quand ça fait l'amour, t'es plus vierge, donc c'est pas une preuve d'amour. Ok, d'accord. Et Anne? Bah, pour moi, si, c'est vraiment une... Donc, Christine. Hein? Christine, c'est l'ex de Gérard. Bon, si ça commence comme ça, vous allez dégager. Bon, moi j'arrête. Olivier, tu... Non, j'arrête, c'est terminé. Non. Oui. Non. Pour une fois qu'on fait un débat intéressant. Non, mais dans ces cas-là, Max, Max, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, tu me retires ça, d'accord? Non, il y a rien en tête. T'as même pas répondu à la question. Est-ce que tu as... Non, je répondrai pas. Avant le mariage. Non, mais ça, Anne, Anne. Oui. T'as pas répondu à la question, quoi. J'étais en train de répondre, ma couille. Oui. Hein. Ouais, parce que Olivier s'amuse avec la connerie que Christine a dit la semaine dernière. Et ça les amuse. C'est pas très drôle, hein. Ouais. D'ailleurs, c'est pas très drôle. Moi, je dis qu'ils sont pas marrants avec ça. Ouais. Moi, je dis que c'est lourd, hein. Et moi, je dis que sexuellement, t'as le droit de faire ce que tu veux. Bon, Anne, s'il te plaît. Bon, s'il vous plaît, Claude et Nicolas, s'il vous plaît, vous laissez Anne parler. C'est fourchette escargot. Anne, s'il te plaît, tu réponds. Bon, bah écoute, pour moi, c'est une vraie pour. Ah, quoi, tu joues là? Ça y est, nous sabote maintenant. De quoi? Tu t'amuses à quoi là encore? À nous saboter. Bah oui, ils s'amusent à. Ouais, ils s'amusent à vous couper au fur et à mesure. Ouais, c'est dégueulasse. Non, à peine. Bon, Anne, tu réponds, s'il te plaît. Ça y est, c'est fini, c'est bon, j'ai fait. D'accord. Okay. Merci Olivier, c'est bien. Mais j'ai rien fait, Gérard. C'est bien. Claude. Ouais, bah moi je crois que j'aurais du mal à te répondre à la question vu que je suis cancer. Non, mais les signes astrologiques ont rien à voir là-dedans. Tu me demandes si je suis vierge, tout ça, mais non, moi je suis cancer ascendant scorpion. N'importe quoi, percer virginité. Je parle pas des signes astrologiques, Vicky. Ah, ok. Bon, bah réveille-toi, retourne voir Manu parce que je crois que tu comprends pas le thème des débats. Exactement, il a rien compris. Il a rien compris. Allez, Claude. Bonne nuit, Claude. Il va t'expliquer, lui. Il va t'expliquer d'une drôle de façon, tu vas voir. Tu vas voir. Nicolas. Ouais. Donc, moi, ouais, bon, dépuceler les filles vierges, je trouve que c'est un acte d'amour impressionnant. Enfin, qu'une vierge te donne son corps, comme ça, par amour, et te donne sa virginité. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Gérard? Ah, mais t'es un poète, Nicolas. Je sais. Non, mais alors là, je vais te dire, toi, Nicolas. Oui. Donc, je vais répondre à ta question et en même temps, je vais répondre à Anne, Émilie, Rita et Mélissa. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé la chaussure à mon pied. Donc, non, mais rigolez pas parce que c'est pas marrant, d'accord? C'est pas parce qu'il y a eu l'autre espèce de grosse vache de Christine. Non, mais soit pour toi. Non, mais voyez. Non, mais attendez. Moi, je vous réponds clairement. Vous voulez que je vous réponde? Moi, je vais vous répondre. Donc, je réponds à Nicolas, Claude, Anne, Émilie, Rita et tout ça. Donc, c'est pas parce qu'il y a eu l'autre grosse vache de Christine qui s'amusait à dire bon, l'histoire des contentiches, ça commence à me prendre la tête, donc je commence. Mais la contentiche dans son cul. Voilà. Donc Olivier, merci. Attention. Voilà. donc, pour en finir, donc c'est pas parce que l'autre elle a dit des conneries, mais jusqu'à maintenant, je... C'est pas grave, j'ai toujours trouvé personne. J'ai toujours... C'est pas grave. Attends, ça a 4 heures, donc t'as le temps, toi, Bart, c'est bon. Ah, mais c'est bon, Bart, tu veux participer, tu veux répondre à une question? Non, on se dépêche d'aller dans le débat, Gérard. Il y a juste un truc sur Minitel, pour revenir un peu dans le débat, il y a que Gérard a sorti un peu son premier album, ça s'appelle L'école du maxi coton tige d'argent. Oui, c'est ça. Donc, quatrième question, parce que comme apparemment tout le monde est pressé, donc on va abréger avant 4h30 du matin, comme ça va aller plus vite, on laissera la place à Bart. Gérard. On laissera la place à Bart, et puis comme bon, ça. Reviens sur le débat un peu, Gérard. Tout le monde sera content. Alors, êtes-vous déjà sorti avec une fille vierge ou vice versa? Donc, Nicolas. C'est la même chose, ces questions. Ah oui, oui. Non, mais Nicolas. Une fille vierge, oui. Ouais, mais est-ce que toi t'es bon? Est-ce que t'es sorti avec une fille vierge? Est-ce que toi c'est toi qui l'a dépucelé ou pas? Ah oui, je viens de te le dire il y a 2 minutes. Bon, tu Gérard. Comment tu l'as pris? Gérard. Oui, 30 secondes. 5 minutes, s'il vous plaît. 5 minutes. Et il est parti, il a pas voulu se calmer, donc je l'ai viré. On accueille Rock. Ouais. Bah, okay. Parler de sa voisine. Je... Ouais. À mon avis. Bonsoir Rock. Allô. Bon d'accord, il dort lui, donc c'est bien. Anne. Non mais attends, j'ai rien entendu là. Hein. Êtes-vous déjà sorti avec une fille vierge ou vice-versa? Non, jamais. Ok. Même avec un garçon qui était puceau? Non, jamais. D'accord. Émilie? Oui. Vice-versa. Ouais, ben, t'as entendu la question quand même. Oui, ben, vice-versa. Voilà. C'est-à-dire? Parce que t'as dit la question ou vice-versa. Ouais, tais-toi, toi. Mais tu restes poli avec moi parce que tout à l'heure tu as dégagé, Nicolas. Attends, vice-versa. Voilà, merci. Voilà, dégagé. De toute manière, c'était Rock, mon ami. Non, c'est pas moi. Non, c'est jamais personne. Ça amène ma soeur dans un culotte d'un job à 90 à l'heure sur un vélo moteur quand. Hein, ok. Ouais. Donc, Rita. Ouais, mon petit Gérard, moi je suis sorti qu'avec des puceaux. Moi, c'est ma soeur qui bat le beurre entre les cuisses d'un catcheur. Ok. Non, c'est vrai, Gérard. Non, mais je sais que c'est pas toi qui balance ça, c'est. J'aurais bien savoir qui c'est. Ouais. C'est pas grave. Mélissa? Moi, je suis jamais sortie avec une fille vierge, mais je pense qu'avec un gars de ceinture, ça peut se faire. Ouais. Ouais, mais avec un mec qui était puceau? Avec un mec qui était puceau, ouais. Avec comment ça peut se voir? C'est dur, quand même. De toute manière, tu peux pas voir si le mec, il est puceau ou pas. C'est marqué, ouais, mais attends, il y a un t-shirt, je suis puceau. Ah, d'accord. De quoi? Les gens qui sont puceaux ont en général un t-shirt avec marqué je suis puceau ou je suis pucelle. Bah non, t'as pas besoin de marquer ça sur un t-shirt. Les t-shirts Ricky Martin, ça marche aussi ou? Bon, bah, Nicolas Bonnet. Salut, mon homme, j'ai pas trop de temps à parler, j'étais en train de ramasser une méchante. Quoi? Oh, pousse-moi ta vie dans le pied! Hey, wow! Là, tu vas en manger une maudite. Tain! Pilar, s'il te plaît. Oui, Gérard. Tu peux essayer de me préparer le prochain disque. Prépare, Gérard. Ok. C'est Rock voisine. Donc, ouais, c'était Rock. Alors, croyez-vous que dépucer une fille, c'est terrible. Hein. Donc, Nicolas. Ouh, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Ouh. Oh. Oui, c'est terrible. Rock. Rock. Ouais, je suis là. Rock, tu travailles? Ouais, je suis là. Depuis une fille, ouais, c'est tranquille. Bon, mais attends, t'as même pas compris la question. Donc, pour moi, t'as moitié starbé, toi. T'arrêtes de fumer la moquette, ça vaudra mieux. Anne. Non, moi, je suis métiré, moi. Bon, bah attends, toi, tu vas dégager au standard, tu vas pas m'énerver longtemps, hein. Je te le dis tout de suite. Ok, Michel. Ok, ben alors, bonne nuit pour toi, Rock. Ça t'apprendra d'être poli aussi. Hop, Anne. Oui, ben ça, c'est une question pour les... Bah oui, mais... Nicolas, il est là, il est encore là. Ouais, mais il a répondu. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Bon, allez, tiens. Pourquoi c'est terrible, Nicolas? Parce que c'est terrible, parce que c'est ce que j'ai... Enfin, il m'a posé 3 questions, j'ai répondu à peu près de la même façon, mais il comprend pas que les 3 questions, c'est les mêmes. Moi, j'ai dit que quand une fille vierge se donne à toi, ou à moi, plutôt, une preuve d'amour incroyable. Quand tu te retrouves avec une fille, je sais pas si c'est arrivé ou pas. Non, jamais. Jamais? Ouais, c'est de la science-fiction. Ah bon, pourquoi? Non, Non, mais je plaisante. Je suis faite de sexe, vas-y. Non, mais si tu te retrouves avec une fille vierge. Oui. Comment tu réagis? Comment ça, comment je réagis? Bah, comment tu réagis, je sais pas, tu dis oui, en balance, désolé, t'es vierge, casse-toi, ou... Ah, c'était obligatoire qu'il faut parler avant, parce que, bon, une fille vierge... Non, mais attends, attends, Nicolas, sur ce que l'amour nous apporte, quoi. Nicolas cette espèce de fontaine de plaisir, en fait. Oh mais il faut... Eh, hey, oh, tu me le calmes, lui, là. Ça passe que... Tu le calmes, Bon, de manière, je pensais... Alors, ça... Mais Nicolas... J'avais fini ma phrase. Non, mais tu vas finir ta phrase au sonar, pour l'instant, c'est moi qui parle, maintenant. D'accord, vas-y. Hein? Donc, je disais, la virginité, c'est... Bon, c'est sûr que la question, elle est un peu con. Donc, à quel âge une fille a perdu? À quel âge? Bon, bon, Nicolas, tu te... Nicolas, tu t'écrases, s'il te plaît, merci. D'accord. Et donc, à quel âge une fille peut perdre sa virginité? Donc, vous réfléchissez, on va s'écouter. Il n'y a pas d'âge pour en manger. Nicolas, tu la fermes! Tout à l'heure, tu vas te prendre un bâton de berger que je vais te retrouver. Quand j'appelle un pompier avec ma bouche, je suis heureux. Hop. Et on se retrouve tout de suite après. Ok.